Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 mars 2023. Voici les grands titres de cette édition. Trois commissaires d'ethnies différentes seront désignés pour mener des audiences publiques de la commission Vérité et Réconciliation commence ce mois de mars. Il s'agit des audiences destinées à recueillir des témoignages sur les atrocités commises dans les années 72. Vous l'entendrez. Et l'interdiction est formelle. Personne n'a plus le droit de continuer à exploiter les parcelles du village baptisé Nkurunziza City 6 à Gatetec en commune et province Rumonge. Notre correspondant sera en ligne pour plus de détails. En actualité internationale, en France, les premières actions contre la réforme des retraites ont commencé ce mardi. Première action d'envergure de la journée ce mardi. Les expéditions de carburant ont été bloquées dans la matinée à la sortie de toutes les raffineries de France. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire. Trois commissaires d'ethnies différentes seront désignés pour mener des audiences publiques que la commission Vérité et Réconciliation commence ce mois de mars. Il s'agit des audiences destinées à recueillir des témoignages sur les atrocités commises les années 72 et d'autres. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le président de cette commission lors d'un point de presse animé ce mardi. Suivez plutôt les précisions de Pierre Claver d'Aïtcherie. C'est le président de la commission Vérité et Réconciliation. La commission Vérité et Réconciliation du Burundi entame dès ce mois de mars 2023 la phase des audiences publiques sur les violences commises en 1972-1973 dans tout le pays. Ces audiences sont de trois catégories, à savoir les audiences publiques, les audiences à huis clos et les audiences thématiques. L'audience pilote sera organisée dans la province de Ruyigi, dans une commune à convenir avec l'autorité territoriale. Selon les investigations menées par la CVR, la province de Ruyigi compte un grand nombre de témoins qui ont accepté de parler à visage découvert, même en présence des médias. Dans quelques jours donc, nous allons consulter les gouverneurs de province à ce sujet. La commission a déjà établi un protocole de conduite des audiences. Le siège sera composé d'au moins trois commissaires qui ne sont pas de même ethnie. Au cours des audiences, la CVR pourra entendre les parties concernées et les témoins. Elle pourra de sa propre initiative entendre toute personne susceptible de donner des éclairages sur les faits. La commission organisera aussi des audiences thématiques sur les grandes violations commises dans le passé, aux fins d'en connaître les causes profondes et le rôle joué par les institutions étatiques ou privées, telles que l'armée, la police, la justice, l'éducation, le secteur financier, les médias, les partis politiques, les mouvements affiliés aux partis politiques, les églises, les associations, les groupes privés et autres organisations. Pierre Claver Ndaïchalié, c'est le président de la commission Vérité et Réconciliation. Faire agréer le parti, c'est l'une des principales réalisations du parti Congrès national pour la liberté durant les 4 ans de sa création. Déclaration d'Agaton Rwasa, président de ce parti, dans un point de presse animé ce lundi, en prélude à la célébration de ce 4e anniversaire, ce sera le 12 mars prochain. Entre autres réalisations, il note la participation aux élections générales de 2020, dont il fustige cependant les résultats. Suivez Honorable Agaton Rwasa. On a passé 10 ans, plus ou moins 10 ans, à faire comme de l'errance. On n'avait aucune formation politique, tout en faisant la politique. Et vous comprendrez des difficultés dans une société où le parti semble être quelque chose de référentiel. Et donc, la première activité, la première œuvre que l'on peut réellement dire que c'est méritoire, c'est le fait d'avoir décroché justement l'agrément du parti CNR comme énième organisation politique qui peut regrouper les Burundais pour lutter en faveur de la démocratie, de la paix, de la stabilité et autres. Deuxième chose, le parti CNR a pu participer aux élections de 2020 et toutes les élections. N'en déplaise les résultats qui ont été proclamés par la CENI, de toute façon, grâce à cette participation, on est au Parlement, on est dans les conseils communaux. Dommage que le parti majoritaire au Parlement veut toujours s'accaparer de tout et nous discriminer sur toute la ligne. Et ce n'est pas nous seuls qui souffrons de cette discrimination, mais c'est tous les Burundais, à l'exception bien sûr du CNDD-FDD. Et ça, c'est un handicap pour la démocratie, c'est un handicap pour la stabilité et le progrès d'un État moderne. Troisième chose, à l'interne, nous avons organisé des ateliers, des séminaires de formation, tantôt en leadership, tantôt en entrepreneuriat, tantôt en communication et autres sujets, juste pour renforcer les capacités de nos membres et responsables, afin que chacun puisse participer activement dans la vie nationale par une auto-prise en charge. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal à 13h02 sur Isanganiro. On ne peut parler de bonne gouvernance sans transparence budgétaire. À propos du président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par CM, lors du lancement officiel ce mardi du projet de 10 ans sur la transparence budgétaire et l'éducation citoyenne sur le suivi de l'exécution du budget de l'État, Faustin Dikoumana a ajouté que la déclaration des biens par les hautes autorités lors de leur entrée en fonction est la première étape vers le contrôle de l'exécution budgétaire. Et personne n'est autorisé à réexploiter les parcelles du village baptisé Nkurunziza City, Sizagatete, en commune Provence Rumonge. Cela a été annoncé ce lundi soir par le conseiller du gouverneur de Rumonge chargé du développement. Moussafiri Nahumvoukiye a déclaré que c'est pour éviter d'éventuelles heurts autour de ces parcelles. C'est après des lamentations de certains parmi ceux qui se réclament propriétaires de ces parcelles et qui disent en avoir été injustement expropriés, mais que l'exploitation de ces parcelles se poursuit malgré l'interdiction par le gouverneur de Rumonge de ses activités en novembre dernier. Apparemment, notre correspondant Jean-Pierre Misago n'est pas en ligne de Rumonge. Toujours en bref, en actualité nationale, la sélection nationale burundaise de football a débuté ce lundi ses séances d'entraînement. Les Hirondelles se préparent pour les matchs amicaux contre l'équipe nationale du Kenya, Harambe Stars, et l'équipe nationale d'Indonésie. Ces matchs se joueront en Indonésie, ce sera les 25 et 28 mars prochains. Dans l'actualité sportive en Europe, ce sont des matchs retour de la Ligue des Champions. Sur le programme ce mardi, le club Benfica du Portugal accueille le club Brugge de Belgique et Borussia Dortmund d'Allemagne est l'invité de Chelsea en Angleterre. Et ce mercredi, le Bayern de Munich d'Allemagne joue contre le Paris Saint-Germain de France et l'AC Milan d'Italie se déplacera vers le stade de Tottenham Hotspur d'Angleterre. Toujours en actualité nationale en bref, 30 cambistes illégaux ont été arrêtés par la police burundaise dans différentes localités du pays. 5 000 dollars américains de faux billets, tenez-vous bien, ont été saisis des mains de certains parmi eux. Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère ayant en charge de la sécurité, précise qu'il y aurait encore 1 000 dollars de faux billets en circulation. Il invite la population à faire changer leur argent dans les bureaux de change légalement reconnu. 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Une courte pause et c'est pour annoncer l'actualité internationale. Actualité internationale. Je l'avais dit dans les titres, manifestation, grève reconductible, rond-point occupé. Plusieurs premières actions de blocage ont commencé ce mardi 7 mars pour mettre la France à l'arrêt contre la très contestée réforme des retraites défendue par Emmanuel Macron avant sa probable adoption par le Parlement d'ici quelques jours. Première action d'envergure de la journée, les expéditions de carburant ont été bloquées dans la matinée à la sortie de toutes les raffineries de France. Cette sixième journée d'action doit également être marquée par le lancement de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des transports, raffineries en passant par l'énergie, le commerce ou les déchets et par les manifestations qui s'annoncent très suivies. Et le nombre de femmes enceintes et de mères allaitantes souffrant de malnutrition aiguë a augmenté de 25% depuis 2020 dans 12 pays à l'épicentre de la crise alimentaire mondiale. Alerte ce lundi, l'UNICEF souligne les conséquences délétères sur leurs enfants. Le rapport, basé sur l'analyse de données relatives à l'insuffisance pondérale et à l'anémie dans presque tous les pays, estime que plus d'un milliard de femmes et d'adolescentes dans le monde souffrent de dénutrition, entraînant insuffisance pondérale et petite taille, de carence en micronutriments essentiels et d'anémie, dont une majorité dans les régions les plus pauvres. Ainsi, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne concentrent 68% des femmes et adolescentes présentant un poids insuffisant et 60% de celles souffrant d'anémie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h06. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Trois commissaires d'ethnies différentes seront désignés pour mener des audiences publiques que la Commission Vérité et Réconciliation commence au mois de mars. Il s'agit des audiences destinées à recueillir des témoignages sur les atrocités commises les années 72. Et l'interdiction est formelle. Personne n'a plus le droit de continuer à exploiter les parcelles du village baptisé Nkurunziza City, Siza, Gatete, en commune et Provence. Rumongué en actualité internationale, je le disais tout à l'heure, en France, les premières actions contre la réforme des retraites ont commencé ce mardi. Première action d'envergure de la journée, les expéditions de carburant ont été bloquées dans la matinée à la sortie de toutes les raffineries de France. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un très bon après-midi.